Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la légende du roi Arthur. On dit que Arthur a été un roi des Bretons ou des Britons, hein, au sud de l'Écosse. Et ce personnage est devenu légendaire parce qu'il aurait réussi à réunir plusieurs tribus celtes pour lutter contre les Angles. Tiens, Angle comme Angleterre. Eh oui. Mais l'imaginaire étant ce qu'il est, il y a ainsi confusion. Confusion de la réalité et de l'invention, confusion de la géographie. L'historien Normand Cazelet met très précisément le doigt sur le mystère qui entoure la légende du roi Arthur dans cet extrait de l'émission L'Aventure diffusée en septembre 1995. Qu'est-ce qui appartient à la légende et qu'est-ce qui appartient à la réalité historique dans le récit du roi Arthur? Chose certaine, le récit de cette légende du roi Arthur est si puissant qu'il a réussi à traverser les siècles pour parvenir jusqu'à nous. Et c'est la même puissance du récit de cette légende qui a également poussé tant d'historiens et de chercheurs à tenter de trouver au fil du temps ce qui appartient justement à la légende et ce qui appartient à la réalité derrière l'histoire du roi Arthur. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, goûtons voir, non, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, goûtons voir, non, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, qui ne connaît pas cette célèbre chanson qui s'inspire de l'univers associé à la légende du roi Arthur? Pour nous raconter l'histoire derrière cette légende du roi Arthur, je reçois Raphaël Whelan, qui est doctorant en histoire à l'Université de Montréal et à l'Université de Kiel en Allemagne. Raphaël Whelan, bonjour. Bonjour. Cette légende-là, la légende du roi Arthur, elle a vraiment survécu au temps, Raphaël Whelan. Il y a eu tant et tant de versions en littérature, au cinéma. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous fascine tant dans cette légende? C'est une légende qui contient tout un ensemble d'archétypes, en réalité, tout un ensemble de personnages qui parlent à travers l'histoire, à travers les cultures aussi. Un des grands avantages de cette légende, de ce mythe par rapport à d'autres, c'est aussi que c'est quelque chose de très gris. Les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Il y a beaucoup d'histoires d'adultère, beaucoup d'histoires de trahison, beaucoup d'histoires de... C'est ça, des personnages vraiment qui sont complets, qui vont aller d'un côté et de l'autre, et ça parle vraiment de l'être humain, et ça peut parler à tous les êtres humains, au lieu d'être vraiment simplement une histoire dans laquelle une belle princesse se fait sauver par un prince parfait ou quoi que ce soit de ce genre-là. C'est un autre élément intéressant. Tout à fait. D'abord, ouais. Il y a un autre élément qui est celui de la récupération politique. Ouais. On va voir plusieurs régimes, en Angleterre notamment, qui vont essayer de s'inspirer, de raviver la légende, et ça va faire qu'à travers les siècles, au-delà même de ses qualités dramatiques, le récit va demeurer d'actualité. Ça la relance, cette légende. Absolument. On le réinvente continuellement. D'après la légende, l'Angleterre autrefois avait un si bon roi que lorsqu'il mourut, nul ne put décider qui serait son noble héritier. Alors le pays pleura son destin, lorsqu'un miracle un matin survint. Car dans la ville de Londres, on vit soudain l'épée. Juste sous la garde de l'épée, on pouvait lire ces mots gravés dans l'acier. Celui qui pourra arracher cette épée de l'enclume scellée dans la pierre sera digne d'être roi, souverain maître de l'Angleterre. Beaucoup s'y efforcèrent, mais en vain. Ils ne purent même pas l'en faire bouger, et le miracle ne se produisit point. C'est pourquoi l'Angleterre demeura bien longtemps sans roi. Maintes années s'écoulèrent, tant et si bien que l'épée légendaire sombra dans l'oubli. Extrait du film de Disney « Merlin l'Enchanteur » réalisé par Wolfgang Reitherman en 1963. Ça nous amène à parler, Raphaël Wallan, de ce que raconte cette fameuse légende du roi Arthur, à commencer par l'épisode auquel on faisait référence dans cet extrait, cette fameuse histoire de l'épée dans l'enclume. Absolument. Il y a deux éléments dans cette histoire. Le premier, c'est l'attente du sauveur, l'attente du Messie, qui est évidemment une grande attente des différents monothéismes, mais du christianisme en particulier, hein, c'est bien évident. Il y a aussi la question de l'identité, une personne cachée qui arriverait un jour. Et il y a beaucoup de ces personnages cachés qu'on ne vous comprend pas très bien, des faux Arthur, des fausses Guenièvre, sa femme, des faux Lancelot, son grand chevalier, etc., qui vont apparaître dans le récit. Donc ça, c'est deux éléments-là qui se retrouvent dès le départ et dès cette histoire de l'épée dans l'enclume. En gros, il y a effectivement une Angleterre, enfin un royaume sans roi. Le roi précédent, qui s'appelle Uther Pendragon, aurait eu un fils qui se serait caché, qui serait un fils un peu bâtard. Il aurait laissé son épée dans le rocher. Quelqu'un reviendrait un jour et se révélerait ainsi être le roi. Un jeune homme, Arthur, finit effectivement par s'emparer de l'épée. Il réunit le royaume, combat ses ennemis, les Saxons, et ainsi réunifie le royaume, apporte la paix, la prospérité, tout ce que vous voulez. À partir de là, il fonde un château, le château de Camelot. Ils fondent un ordre de chevaliers, tous égaux, autour d'une table ronde pour symboliser leur égalité. Et ils ont toutes sortes d'aventures, combattent des géants, combattent des dragons, poursuivent le Graal. Et ils vont aussi avoir toutes sortes de désagréments. Il va y avoir le mariage d'Arthur avec sa belle Guenièvre, sa reine, qui lui sera ravie par son meilleur ami Lancelot. Arthur va se retrouver aussi dans une histoire d'inceste avec sa demi-sœur qui est une fée. Il aura un fils qui est en même temps son neveu, enfin bon, et qui va à terme le tuer. Donc ça, c'est l'histoire, le cycle arthurien. Et là-dedans, vous avez mille et une histoires qui peuvent arriver. On comprend bien en vous écoutant pourquoi effectivement ça a survécu autant. Il y a une richesse dramatique incroyable. Il y a aussi, on ne l'a pas mentionné, mais il sera important, le personnage de Merlin, le magicien Merlin, qui est un peu le conseiller, au fond, d'Arthur. C'est un petit peu le personnage qui tire les ficelles. C'est lui qui va dire au roi précédent, Uther Pendragon, de mettre son épée à cet endroit-là. C'est lui qui va mener Arthur jusqu'à l'épée. C'est lui qui va lui souffler à l'oreille l'idée de la table ronde. C'est lui qui va se fâcher avec la demi-sœur du roi, Morgane, et qui va amener le fils-neveu à tuer son père. Donc c'est une sorte de démiurge qui contrôle toute l'histoire. Merlin l'enchanteur, Merlin le magicien, il est là tout le temps. À quand remonte, on a parlé de ce que raconte cette légende, puis ça va évoluer dans le temps, mais ça commence quand? Où et quand commence l'histoire de cette légende, Raphaël Wallande? Elle se perd un petit peu dans le temps, mais on peut dire que fondamentalement, ça va commencer dans une période qui irait du 6e au 11e siècle en Angleterre, plus précisément au Pays de Galles, donc dans l'est de l'Angleterre actuelle. On a un héros aux mille et une aventures dans les légendes du Pays de Galles de cette époque qui s'appelle Arthur ou différentes déclinaisons de ce nom d'Arthur. Il tue des géants, il s'empare de trésors, il voyage jusqu'aux enfers. On va retrouver cependant le récit un peu canonique, notre Arthur, où on peut reconnaître un petit peu notre Arthur à nous, avec l'épée et avec tout cela. Ça va attendre 1138, le 12e siècle, donc en Angleterre, et un historien, un moine qui s'appelle Geoffroy de Monmouth, qui va écrire l'Historia Regum Britanniae, l'histoire des rois de Bretagne. Là, il décrit l'histoire d'un Arthur qui serait roi des îles britanniques, de la Norvège et de la France. Il combat un certain Vortigern, rappelez-vous de ce nom, un certain Vortigern donc, il est marié à une certaine Guenièvre donc, et il est conseillé par Merlin. Ouais. Donc il y a certains éléments, mais en même temps ils ne sont pas tous là. Mais ça se précise, on s'approche de la version qui remontera jusqu'à nous, parce qu'au fond, l'histoire de cette légende, c'est ça. C'est autant d'auteurs qui décident, parce qu'il y a une matière très, très riche, de se l'approprier, cette matière, d'y rajouter leur touche. Et parmi ces auteurs, il y en a un qui est très important, qui est Chrétien de Troyes. On dit que pour la littérature française, ce que fera Chrétien de Troyes du récit de la légende du roi Arthur, c'est très, très important. Quelle importance il aura dans cette histoire-là? Alors, Chrétien de Troyes, c'est effectivement probablement l'auteur le plus important du Moyen-Âge français. C'est un des personnages qui va inventer le roman, je dis inventer avec des limites. Mais c'est quelqu'un qui va arrêter d'écrire en latin, par exemple, pour pouvoir mieux se faire comprendre. Monsieur Fer, pas forcément lire, on lit peu à l'époque, mais par contre on chante, on raconte. Et ça va plus facilement se diffuser les différents romans donc, de Chrétien de Troyes. Il y en a un qui est celui pour lequel il est le plus célèbre, peut-être, le roman de Renard. Mais les quatre autres portent sur des aventures, justement, du cycle arthurien. En effet, après notre Geoffroy de Monmouth, après 1138, jusqu'à peu près vers 1210, quelque chose du genre, eh bien, on va avoir une évolution, on va voir différents personnages introduire des éléments qui, pour nous, font partie de la légende, la table ronde, Lancelot, son amour pour Guenièvre, le château de Camelot, l'épée Excalibur, tout cela, ça va venir plus tard. Ouais. Chrétien de Troyes, lui, il va apporter un élément essentiel, c'est le Graal, la quête pour un symbole chrétien. Au départ, c'est censé être un plat à poisson, ça va devenir avec le temps, dans l'esprit par exemple d'un Indiana Jones, ça va devenir une grande coupe dans laquelle ouais. le Christ aurait bu. Mais Chrétien de Troyes, il va amener avec le Graal l'idée d'une christianisation du récit, l'idée que le bon chevalier est un bon chrétien, c'est l'époque des croisades et ce sera aussi un moyen de se faire bien voir par l'Église. Et on dit que son fameux conte du Graal, c'est pour certains, c'est le premier roman français, c'est le début de ce genre littéraire en c'est France. À quand remonte la version du récit de cette légende du roi Arthur définitive? C'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas celle qui est parvenue en gros, celle qui est parvenue jusqu'à nous. Alors, jusque-là, donc jusqu'à 1210 avec Chrétien de Troyes, etc., on avait vraiment affaire à un univers arthurien, on était parti d'Arthur, et un petit peu comme aujourd'hui le studio Marvel peut le faire avec des super-héros secondaires qu'on va approfondir, eh bien on avait approfondi différents petits héros, Lancelot, Gauvin, etc. La version finale, qui va rassembler toutes ces versions en une version à peu près définitive, elle date de la toute fin du Moyen-Âge, de 1485, et c'est un certain Thomas Malory qui va la rédiger et la faire éditer donc à ce moment-là, en cette fin de Moyen-Âge. Ouais. Revenons, puisqu'on est à la version à peu près définitive, à cette grande question du degré de véracité historique de ce récit de la légende du roi Arthur. Qu'est-ce qui dans tout ça appartient au mythe? Qu'est-ce qui dans tout ça appartient à la réalité historique? Un premier élément de réponse dans cet extrait du film Arthur, réalisé par Antoine Fuqua en 2004. Une table ronde? Qu'est-ce que cela signifie? Arthur dit qu'avant d'être des hommes, nous sommes avant tout égaux. J'avais cru comprendre que vous étiez plus nombreux. Nous l'étions. Mais nous nous sommes battus ici depuis 15 ans, évêque. Ah, bien sûr. Arthur et ses chevaliers ont servi avec courage pour maintenir l'honneur de l'Empire romain dans ce dernier avant-poste de notre gloire. Rome vous est très redevable, noble chevalier. Hélas, nous ne sommes que les joueurs d'un monde en constante mutation. Les barbares de tous les coins du monde sont presque aux portes de Rome. Et parce qu'il en est ainsi, Rome et le Saint-Père ont décidé que nous nous retirerions de tous les avant-postes indéfendables, tels la Bretagne. Ce qu'il adviendra de la Bretagne ne nous concerne plus. Il y a dans le récit de la légende du roi Arthur, donc Raphaël Welland, on vient de l'entendre, certains éléments qui correspondent vraiment à certains éléments du contexte historique de l'époque. Ce qu'on vient d'entendre nous met déjà sur une piste intéressante. Oui, en effet. Et ça, c'est quelque chose c'est une question qui va se poser dès le Moyen-Âge. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, tout à coup, on essaierait de trouver l'histoire et que dans le passé, on aurait cru qu'on racontait l'histoire. Au Moyen-Âge, en fait, on pense plutôt que c'est une légende. Ouais. On ne pense pas que c'est une histoire. Et l'idée que ça aurait un fondement historique et vient plutôt du 19e et du 20e siècle. Et on a commencé à se poser des questions quand on a traduit des chroniqueurs du début du Moyen-Âge en Angleterre, une période qui suit à un siècle et demi près, la fin de l'Empire romain. Et qui nous mettent la puce à l'oreille sur le fait que cet Arthur du cycle arthurien, eh bien peut-être que ce serait un personnage qui aurait, avec cette chute de l'Empire romain, essayé de défendre son pays, la Bretagne, la Grande-Bretagne, l'Angleterre actuelle, contre des envahisseurs barbares. Parce qu'effectivement, ça s'est avéré historiquement, Rome va se retirer de la Grande-Bretagne, de cette région du monde-là. Effectivement, Rome va se retirer, mais les choses ne sont pas aussi simples que cela. En fait, les Romains sont de presque toute époque les champions des guerres civiles. L'empire est énorme, il y a beaucoup de convoitises. Et au début du 5e siècle, il y a un général qui s'appelle Constantin, qui va se faire appeler Constantin III parce qu'il va décider que lui a le droit d'être empereur. Mmh. Il a les troupes sous la main, les troupes de sa garnison de Bretagne, d'Angleterre, et il a besoin d'emmener ces troupes-là à Rome pour pouvoir y faire reconnaître son titre impérial. Donc il vide l'Angleterre de sa garnison. Il n'y a plus de troupes pour défendre la province. On va devoir s'arranger tout seul. Ce n'est pas Rome qui rappelle les soldats, ce sont les soldats qui décident d'aller à Rome. D'où un éventuel Arthur qui prendrait la relève pour défendre donc cette portion du territoire. Un lieu magique et mythique, le château de Tintagel, en Cornouailles, où la légende semble rejoindre la réalité depuis la découverte de cette pierre, avec un nom royal inscrit dessus. A-R-T-O-G-N-O-U. Artognou. Artognou, le nom latin du roi Arthur, dont l'existence n'a jamais été prouvée, et ses 8 lettres font aujourd'hui rêver les archéologues. C'est une trouvaille extraordinaire que nous avons sur cette pièce. Et c'est très très rare de trouver une inscription dans les excavations. C'est la trouvaille de sa vie, car un chef de clan nommé Arthur a bien vécu ici au VIe siècle. Mais pour les historiens, tout n'était que légende, même si c'est ce château qui a inspiré le mythe des chevaliers de la Table Ronde de Merlin l'Enchanteur et du roi Arthur. La chance de l'archéologie, c'est de pouvoir, avec ses découvertes, remonter le temps et changer l'histoire. Et ce que nous avons là concerne un homme de haut rang avec un nom très similaire à celui du roi Arthur, vivant à la même époque et exactement sur le même lieu. C'est une coïncidence extraordinaire. Extrait d'un reportage de France 2 sur la découverte en 1998, donc, d'une inscription datant du VIe siècle dans un château de Cornouailles. Extrait qui nous ramène à notre grande question, à savoir qu'est-ce qui appartient au mythe, qu'est-ce qui appartient à la réalité dans ce récit de la légende du roi Arthur. Et ce qu'on vient d'entendre, Raphaël Wallan, nous amène à une question encore plus précise. Arthur, le roi Arthur a-t-il vraiment existé? La réponse facile, ce serait de vous dire non, mais. Ou peut-être oui, mais. Dans les deux cas, c'est difficile. Le problème avec l'archéologie, c'est une question d'illusion d'objectivité. On retrouve un morceau, quelque chose dans la pierre, et on se dit, il n'y a jamais un être humain qui y a touché, donc c'est ça que ça veut dire. Sauf que l'interprétateur lui-même, l'archéologue, voit ce nom, Artognou, et décide de le relier à la légende d'Arthur. Il y a un contexte plus large, plus complexe autour de ça, qui empêche de se prononcer de manière définitive. Fondamentalement, on a différents textes qui nous parlent justement de ce personnage, enfin d'un contexte général qui pourrait expliquer cette période de guerre. Donc on l'a dit, c'est la chute de l'Empire romain, il y a des barbares qui vont venir s'emparer de l'Angleterre, il va y avoir des nobles locaux, dont un certain Vortigern. Là on en a des textes de l'époque, on retrouve le même nom que dans les légendes plus tardives, mais ce Vortigern, donc ce sera un noble anglais au 5e siècle, là c'est plus le Vortigern des légendes, qui lui amènerait des Saxons, leur donnerait des terres, il se révolte, les choses sont compliquées, les choses sont complexes, on perd un petit peu le fil. Et il y a une bataille qui émerge de tout cela, une bataille dont on nous parle un siècle plus tard, au début du 6e siècle, mais qui se serait passée donc au 5e siècle, la bataille de la montagne de Badon, et ça c'est au 6e siècle. Au 8e siècle, on nous dit que dans cette bataille de Badon, il y avait un chef qui s'appelait Arthur. Et là, tout à coup, le nom d'Arthur arrive, et là, on est lié à ce contexte des combats contre les Saxons, et Arthur va petit à petit devenir le Arthur roi de la moitié de l'Europe de Geoffroy de Monmouth, puis le Arthur avec le château, avec l'épée, etc., et tout cela jusqu'à aujourd'hui. Mais le fil est ténu, c'est difficile de trouver. On a essayé de déterminer est-ce que ce serait tel personnage ou tel personnage. On a certains éléments, mais c'est difficile de vraiment déterminer lequel est-ce que ce serait. Aujourd'hui, les historiens considèrent qu'il y eut un Arthur, qui ne s'appelait pas forcément Arthur. Certains vont l'appeler, par exemple, Ambrosius Aurelianus, qui aurait été un autre de ces personnages qui aurait à peu près dirigé la Bretagne à l'époque. Et puis, surtout, il y a cette idée, donc, oui, ce personnage-là aurait existé, mais est-ce qu'il aurait eu une épée magique? Est-ce qu'il aurait eu un Merlin autour de lui? Ça, c'est autre chose. Il y a une grande correspondance. Il y a probablement un personnage qui correspond en gros au contexte et à ce que ce fameux Arthur fera dans ce contexte, à son entreprise guerrière. Mais on peut davantage penser que c'est le point de départ, l'inspiration, qu'une transposition directe. Je pense qu'on est dans ce niveau de lecture, au fond. Absolument. Ce qui complique l'affaire, mais l'enrichit, c'est que cette fameuse légende, elle sera récupérée et utilisée politiquement tout au cours de l'histoire, ce qui lui redonne un souffle, vous le disiez au départ, ça fait partie du fait que ça a traversé les âges, cette légende du roi Arthur, c'est que comme on l'utilise politiquement, le brave Arthur et son récit, ça lui redonne un souffle à chaque fois, ça lui reprête vie à chaque fois. Absolument. Il va y avoir quelques grands souverains qui vont s'en servir, mais il faut aussi se dire que c'est un récit qui est fondamentalement politique et militant. C'est au XIIe, XIIIe siècle, donc cette période où le récit va prendre son ampleur et va vraiment être écrit, va devenir très populaire. C'est une période dans laquelle on a une lutte sourde entre la noblesse et la bourgeoisie des villes. Et le récit d'Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde, c'est un récit fondamentalement féodal, pro-noblesse, contre le roi. Tout le monde est égal, le roi n'est qu'un parmi d'autres, les nobles font comme ils l'entendent, ils trahissent de temps en temps le roi, etc. Et puis il n'y a pas de bourgeois, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien de ce genre-là dans le monde d'Arthur. On est vraiment dans un récit pro-noblesse, premièrement. Il y a d'autre part un certain nombre de personnages. Il y a une dynastie, la dynastie des Plantagenets, au XIIe et au XIIIe siècle en Angleterre. Le plus fameux des Plantagenets, c'est Richard, cœur de lion. Cette dynastie, ce sont plus ou moins des usurpateurs en Angleterre, et ils vont populariser ce récit pour se présenter d'une certaine manière comme étant les descendants de ce Arthur qui est censé détenir la légitimité et qui la ramène avec eux. Les Tudors, plus tard, avec Henri VIII, 15e au 16e siècle, eux aussi des usurpateurs, se prétendant les descendants de notre ami Arthur. Ouais. Plus tard, la Royal Navy, pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale, se prétendra la descendante des chevaliers de la Table Ronde qui combattent les méchants Saxons de l'époque, c'est-à-dire les Allemands. Ouais. Et il y a quelques temps, au moment du Brexit, par exemple, certains journaux liés à l'UKIP, le parti d'extrême droite nationaliste britannique, se prétendaient aussi, de nouveau, incroyable, les descendants d'Arthur. Ouais. Contre les méchants Allemands qui reviendraient envahir la patrie. Force symbolique qui traverse vraiment les âges. Est-ce que c'est unique, ce cas-là, quelque chose qui ressemble à ça dans l'histoire? Je ne sais même pas si on doit dire dans l'histoire de la littérature et ou dans l'histoire, point. Est-ce que c'est unique, le cas de la légende du roi Arthur? Absolument pas. La réalité, c'est que les mythes ont souvent, disons, une étincelle historique qui, comme on a pu le voir dans le cas d'Arthur, va se développer, va évoluer avec le temps. Chacun va y apporter sa petite pierre. Selon les siècles, on va le changer un petit peu. Mais on a pu trouver, par exemple, l'un des premiers textes fondateurs de la littérature occidentale, l'Iliade, l'Odyssée, les textes d'Homère. Pendant longtemps, on a considéré que c'était simplement des légendes. Et puis, à la fin du 19e siècle, on a trouvé la ville de Troie. Alors, est-ce que c'est la ville de Troie dans laquelle il y a eu le siège de Troie, dans laquelle il y a eu tous les récits d'Homère? Absolument pas. Mais est-ce qu'il y a eu une ville de Troie à une guerre? Certainement. Alors, il y a un côté littéraire, il y a toutes sortes d'ajouts avec les siècles, mais on a effectivement tout un ensemble, à travers la planète, de cités englouties qu'on a pu redécouvrir à l'occasion de tsunamis, à l'occasion de fouilles archéologiques. Donc, il y a derrière les mythes un semblant d'histoire. Raphaël Walland, merci infiniment. Merci à vous. Raphaël Walland, doctorant en histoire à l'Université de Montréal et à l'Université de Kiel. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.